Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'assassinat du journaliste américain Daniel Pearl en février 2002 à Karachi, au Pakistan. Le sort de ce journaliste du Wall Street Journal, qui enquêtait sur le financement des réseaux terroristes responsables, entre autres, des attentats du 11 septembre, a ému le monde lorsqu'on a appris son enlèvement par un groupe proche d'Al-Qaïda. Puis, alors que l'Occident retenait son souffle et que le nom de notre confrère américain faisait la une, on apprenait quelques semaines plus tard qu'il avait été assassiné par ses ravisseurs, égorgé dans une mise en scène macabre face à la caméra des meurtriers, avant que ces mêmes images d'horreur ne soient diffusées sur Internet. À ce moment précis, le terrorisme vient de franchir un palier dans sa surenchère médiatique et inhumaine. L'horreur de l'annonce d'un acte barbare ne suffit plus, il faut désormais le montrer. Notre invité aujourd'hui, le journaliste et grand reporter de Libération, Jean-Pierre Perrin, il a rencontré Daniel Pearl lorsque ce dernier est venu à Paris. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne, Jérôme Chélius. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mardi 11 septembre 2001, il est 8h46 lorsqu'un Boeing 767 de la compagnie American Airlines percute la tour nord du World Trade Center à New York. Un quart d'heure plus tard, un second appareil, arme de destruction massive lui aussi, frappe la tour sud. Prise au dépourvu dans un panache de flammes et de fumée, de sirènes et de cris, l'Amérique se retrouve touchée en plein cœur par le terrorisme. Pour les Américains et le reste du monde, c'est le début d'une journée noire qui restera jamais marquée dans l'histoire, celle du 11 septembre. Dans les heures qui suivent, le monde entier revit dans les flashs d'informations les images de ces avions transformés en missiles qui viennent semer la mort. Vous avez vu un avion ? Oui, il venait de la gauche de l'immeuble. Y avait-il un nom ou un logo dessus que vous auriez pu apercevoir ? Non, ça s'est passé tellement rapidement. Il est arrivé de nulle part, puis boum, c'était énorme. Et puis tout le monde s'est entraidé pour sortir rapidement en dehors. On a laissé toutes nos affaires dans les bureaux et on s'est précipité pour sortir. Donc vous avez ressenti l'explosion ? Oui. Et avez-vous vu la première explosion ? Ou l'avez-vous entendu ? Non, on a juste regardé par la fenêtre quand on était dans l'immeuble. On s'est dit que c'était sûrement un truc pour les prochains matchs des séries. On en rigolait. Et puis on a regardé et on s'est rendu compte que l'immeuble était en feu. Puis on est descendu en bas pour s'en rendre compte. New York est la capitale économique des États-Unis et simultanément le Pentagone à Washington, capitale politique, double symbole. Puis, c'est le paroxysme. Des dizaines de millions de personnes à travers le monde assistent à l'effondrement en direct des deux tours du World Trade Center. C'est la chute d'un mythe, celui de l'inviolabilité du territoire des États-Unis. Par la suite, on apprendra qu'un quatrième avion s'est crashé non loin de là, en Pennsylvanie. 4 détournements d'avions pour 4 attentats suicides, pour un bilan provisoire de plus de 5000 blessés, d'au moins plusieurs centaines de morts. La scène est apocalyptique, inimaginable, même dans les pires scénarios dramatiques hollywoodiens. Le soir même, l'Amérique de George Bush est sous le choc, on le serait à moins. D'ailleurs, ce jour-là en Europe, nous sommes tous des New-Yorkais. Et très vite aussi, on cherche à comprendre qui a commis cet acte et surtout, pourquoi. Les regards se portent rapidement vers la piste islamiste. Le CIA pointe du doigt les réseaux de la nébuleuse terroriste Al-Qaïda, son chef Oussama Ben Laden, mais aussi l'Afghanistan, une république islamiste située à 11 000 km de là, au carrefour des routes moyen-orientales et asiatiques, un pays contrôlé par les talibans et accusé d'être la base arrière des terroristes qui ont perpétré ces attentats. Dans cette Amérique qui réclame justice, il n'en faut pas plus pour que le président américain George Bush endosse ses habits de chef de guerre et prononce le 20 septembre face aux membres du Congrès un discours qui fait basculer le monde dans la guerre contre la terreur. Notre peine s'est transformée en colère et notre colère en détermination. Que nous livrions nos ennemis à la justice ou que nous fassions justice nous-mêmes, justice sera faite. Et c'est ainsi que deux semaines plus tard, le 7 octobre 2001, les États-Unis d'Amérique prennent la tête d'une force de coalition internationale incluant la France et met le pied en Afghanistan. Première grande guerre du 21e siècle, la campagne de la coalition militaire se vit en direct, à la radio, à la télé, heure par heure, jour après jour, comme un spectacle, celui d'un Goliath qui écrase inexorablement David, tant le rapport de force sur le papier est déséquilibré. Et pour satisfaire cette soif d'images et d'informations, on envoie sur place, principalement au Pakistan et à voisin, des dizaines de journalistes. Ils sont là pour rapporter les images de la guerre, mais seule une poignée d'entre eux vient ici pour enquêter, pour ne pas être une simple caisse de résonance de l'intervention des forces alliées. Parmi ces journalistes-là, il y a Daniel Pearl, un Américain de 38 ans, chef du bureau Asie du Sud pour le Wall Street Journal. Depuis le milieu de l'année 2000, Daniel Pearl est en poste à Bombay pour le prestigieux quotidien national américain, le Wall Street Journal. Sa zone de travail, la région indo-pakistanaise et le Népal. Un endroit connu pour son instabilité géopolitique, avec cette tension qui mine la région du Cachemire. Sa femme, Marianne Pearl, est une journaliste française qui travaille, elle, pour Radio France Internationale. Le couple s'est rencontré à Paris lorsque le reporter américain était correspondant à Londres, puis ils se sont mariés en 1998. Depuis, le couple voyage à travers le monde et ne se quitte, pour ainsi dire, jamais. Cette région de l'Asie du Sud est son terrain d'investigation. Il en connaît les subtilités ethniques, les contraintes religieuses, mais aussi, et surtout, les règles de sécurité à respecter pour y travailler sans trop de danger. Alors, lorsqu'ils se rendent au Pakistan, dans le courant du mois d'octobre 2001, au premier jour de la guerre, ils font partie de ceux qui sont les plus à même de comprendre la situation sur place. Oui, comprendre. C'est la volonté farouche de Daniel Pearl. Il ne part pas sur le terrain avec des idées préconçues. C'est un voyageur témoin, ouvert sur le monde, ouvert sur les autres, comme l'explique, a posteriori, son meilleur ami Daniel Giles. Danny est une personne qui n'avait pas d'idée, de position, pas d'opinion, car il était journaliste avant toute autre chose. Le rôle du journaliste, disait-il, n'est pas de décerner des bons points ou des prix de vertu. Le rôle du journaliste est d'établir les faits, un point c'est tout. Danny, c'était quelqu'un qui aimait profondément son pays pour ce qu'il a de meilleur, l'esprit pionnier, le goût sincère pour la démocratie, mais refusant au plus profond de lui-même l'idée et la réalité implacable de l'impérialisme qui est le nôtre. Il estimait que l'Amérique et en général l'Occident sont les obligés du monde, qu'ils sont en dette. Dette envers les plus pauvres, les plus démunis. Et puis chez Danny, il y avait cette volonté radicale de déchiffrer l'autre, le musulman surtout. Il aimait ce monde de l'islam, sa culture, ses gens. Il voulait comprendre, me disait-il, et surtout voir dans les yeux de toutes ces personnes pourquoi ils nous détestent autant. Dans le contexte qui agite le monde après le tragique épisode du 11 septembre 2001, chaque pays essaie d'avoir une idée du risque réel que représente Al-Qaïda. Quels sont ses objectifs? Quels sont les objectifs de son chef Oussama Ben Laden? Quels sont ses réseaux? Pour Daniel Pearl, américain que ses parents ont élevé dans le respect des principes du judaïsme et qui ont fait de lui un homme tolérant, il faut plutôt chercher à comprendre comment est née cette haine dans les rapports entre les États-Unis et une partie du monde arabo-musulman. Comment des jeunes gens nés en Europe ont-ils été recrutés et sont-ils venus s'entraîner dans des camps militaires dans la région pour ensuite partir semer la mort à New York? Pourquoi cette haine dans le regard et dans les idées? Pendant ce temps, la guerre entre la coalition et les talibans continue. Vers la fin du mois d'octobre 2001, les alliés engagent les premiers combats au sol et la majorité des journalistes part en Afghanistan pour couvrir la guerre qui s'y déroule. Daniel Pearl, lui, reste sur place avec sa femme à Islamabad, capitale du Pakistan. Et de fil en aiguille, le journaliste va remonter la piste de l'argent qui finance les groupes terroristes. Ce qui va l'amener à s'intéresser aussi au rôle toujours plus trouble que jouent les services secrets pakistanais dans cette affaire et leur lien possible avec Al-Qaïda. C'est là que le travail de Daniel Pearl prend une dimension toute particulière et sensible. La possibilité que des scientifiques pakistanais travaillant dans le nucléaire militaire soient entrés en contact avec les terroristes pour leur donner les clés de la bombe atomique. Le scénario est effrayant, mais heureusement hypothétique. Il n'empêche qu'il préoccupe à ce moment-là tous les services de renseignement occidentaux. Au moment même semaine, Daniel Pearl continue son enquête, notamment sur les réseaux d'entraînement djihadistes au Pakistan. Un nouvel événement qui fait la une de l'actualité à la fin du mois de décembre 2001 va sans le savoir faire basculer dans l'horreur le destin du journaliste Daniel Pearl. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce dimanche, une tentative d'attentat déjouée en plein vol par la vigilance de l'équipage et des passagers d'un Boeing de la compagnie American Airlines qui reliait Paris à Miami hier matin. L'homme qui avait embarqué à Roissy sans bagage a tenté au cours du vol d'allumer des poudres explosives contenues dans les semelles d'une de ses chaussures. Il a été maîtrisé. L'avion, aussitôt encadré par des chasseurs américains, a été détourné vers Boston. À son arrivée sur le tarmac, des agents du FBI entrent dans l'appareil et s'emparent de l'individu. Dans les jours qui suivent, on découvre avec stupeur que les chaussures du terroriste remplies d'explosifs devaient exploser en plein vol et désintégrer l'avion, ce qui recoûtait la vie à ses 240 passagers. Heureusement, le mécanisme de détonation n'a pas fonctionné. Et l'individu, de par son comportement étrange, en demandant des allumettes à l'hôtesse de l'air, a attiré les soupçons des autres passagers qui ont fini par le ceinturer. Autre fait qui surprend les enquêteurs, ce Richard Reid est de nationalité britannique. Il s'est converti à l'islam lors d'un passage en prison pour plusieurs petits délits. Il n'était donc recherché pour aucun problème et par aucun service de renseignement. Il n'avait pas le profil d'un conspirateur ni d'un organisateur. Au pire, il était un simple soldat que le groupe Al-Qaïda semble pourtant avoir envoyé en Europe pour commettre l'irréparable, en l'occurrence, faire exploser en vol un avion de ligne à destination des États-Unis. Mais ce qui, dans toute cette affaire, retient l'attention du journaliste Daniel Pearl, c'est qu'encore une fois, le terroriste interpellé, le dénommé Richard Reid, que les médias surnomment désormais « Shoes Bomb », l'homme aux chaussures explosives, avait déjà voyagé à plusieurs reprises au Pakistan dans les années qui ont précédé sa tentative d'attentat. Et c'est plus précisément à Peshawar, dans le nord du pays, qu'il se serait formé auprès d'une secte rattachée à Al-Qaïda et auprès d'un gourou du nom de Sheikh Mubarak Ali Gilani. Avec les renseignements que lui fournissent ses fixeurs sur place et ses propres investigations, Daniel Pearl tente de remonter la piste Gilani, car il veut comprendre comment, ici même au Pakistan, dans un pays qui se dit allié des États-Unis dans sa politique de lutte contre le terrorisme, on entraîne et on arme secrètement les soldats du djihad qui seront peut-être à l'origine du prochain 11 septembre aux États-Unis ou bien dans le reste du monde. Qui plus est, Daniel Pearl en est de plus en plus convaincu. Les services secrets pakistanais, le fameux ISI, semblent aussi de leur côté jouer un sinistre double jeu, en coopérant d'une part avec la CIA et les services occidentaux, mais en maintenant des contacts étroits avec les groupes terroristes. Après plusieurs semaines d'échanges avec ses fixeurs à coups de courriels et de rencontres sur le terrain, Daniel Pearl finit par être mis en contact avec un dénommé Bachir, disciple de la secte de Gilani et donc proche, pense-t-il, du gourou. Celui-ci explique qu'il est possible de rencontrer son mentor, mais que cela ne peut se faire que pour des raisons de sécurité, donc à Karachi, dans le sud du pays. Dans le dernier courriel envoyé par Bachir le 13 janvier 2002, on peut lire « Gilani accepte de vous rencontrer, je vous enverrai une voiture et j'arrangerai tout. Rendez-vous à Karachi. » Une ville que Daniel Pearl connaît bien, car il y a fréquemment séjourné, et c'est d'ailleurs là-bas que vit sa meilleure amie, une journaliste américano-indienne, Asra Nomani. Mais ce qui conforte Daniel Pearl, c'est qu'il a découvert que l'adresse mail de Richard Reid provenait du fournisseur d'accès Cybernet, une entreprise elle-même basée à Karachi, tout semble concorder. Aussi, alors que Daniel Pearl et sa femme Marianne, enceinte, sont sur le point de partir en vacances pour quelques semaines, bien loin du Pakistan, ils décident de se rendre à Karachi, le 16 janvier 2002, pour un séjour qui ne doit pas, en théorie, dépasser une semaine. À ce moment-là, le journaliste américain est bien loin d'imaginer que l'intermédiaire avec qui il a pris contact lui a fait mettre le pied dans un terrible engrenage dont l'issue sera dramatique. Qui lui sourit à sa manière. chevauche mon ego, moi qui dormais dans ce silence, je me réveille pour goûter à son sommeil. J'ai le sentiment d'avoir trouvé le cœur en apnée, un trésor qui vaut de l'or. Comme un interdit, elle m'offre une chance, un contre-sens, une lune perdue d'avance. Mille et un jours perdus d'amour, moi qui rêvais la liberté d'un grand oiseau allègre moderato. J'ai le sentiment d'avoir trouvé le cœur en apnée, un trésor qui vaut de l'or. Karachi, poumon économique et industriel du Pakistan, une mégalopole de 14 millions d'habitants située sur les rives de la mer d'Arabie. Carrefour du commerce et des échanges dans toute la région, la ville est aussi le point de rencontre de toutes les formes de violence intrinsèques au pays. Ici s'affrontent les groupes ethniques et religieux dans des conflits vieux de plusieurs décennies. Karachi, c'est une ville sans unité, sans communauté, en état de guerre avec elle-même ou avec une sinistre récurrence. On subit fusillades, enlèvements, règlements de comptes mafieux, affrontements entre groupes musulmans rivaux. William Dalrymple du New York Times en dresse un bref aperçu. À Karachi, pour se protéger, les policiers se recroquevillent derrière des sacs de sable. Et les représentations diplomatiques étrangères ressemblent à autant de châteaux fortifiés construits au temps des croisades. Ces têtes de pont de puissance étrangère et nullement bienvenues sont mal perçues par les habitants. Le consulat des États-Unis, par exemple, entouré d'une clôture en fil de lames de rasoir et d'une spirale de murs de protection, porte encore les traces de mitraille d'une attaque suicide qui s'est déroulée ici 6 mois plus tôt. La carte tentaculaire de la ville laisse apparaître des zones colorées qui renvoient chacune à une spécificité. La zone rose à l'est est placée sous le contrôle de la mafia et des trafiquants de drogue. La rouge à l'est est connue pour la sophistication de ses rackets et ses enlèvements. La verte au sud est la chasse gardée de tous ceux qui se livrent à la violence religieuse. C'est bien simple. De tous les postes proposés par le département d'État à ses diplomates, Karachi ne le cède en dangerosité qu'à Kaboul. À cela, il faut ajouter le contexte post-11 septembre. Avec l'invasion de l'Afghanistan voisin, le Pakistan du général président Musharraf se retrouve submergé, comme jamais auparavant, par une vague de manifestations anti-américaines. Journalistes, hommes d'affaires, diplomates, tous les Américains présents sur le territoire pakistanais sont la cible de menaces ou d'atteintes à leur vie. Une haine contre l'Amérique et les Occidentaux qui se traduit par des manifestations violentes sous l'œil des caméras des journalistes occidentaux eux aussi. Ici, on brûle un drapeau américain. Là, on piétine un épouvantail qui ressemble à un GI. On ne peut donc imaginer période plus dangereuse pour un séjour, ni mission plus risquée pour un journaliste de surcroît américain. Et pourtant... Et pourtant, ce vendredi 23 janvier 2002, quelques jours seulement après être arrivé dans la ville, c'est dans ce climat d'extrême tension que Daniel Pearl se prépare à rencontrer le cheikh Gilani. Cette rencontre, il en fait presque une obsession depuis plusieurs jours, car ce Gillani, proche d'Al-Qaïda, sait probablement comment les terroristes arrivent à financer leurs actions et grâce à quel réseau. Il y a du scoop dans l'air. Le rendez-vous est prévu le soir même. Mais avant de s'y rendre, le journaliste qui tient à se préparer à toute éventualité va au consulat des États-Unis où il rencontre le chef régional de la sécurité, Randall Bennett, qui raconte. Il m'a expliqué qu'il allait rencontrer le Sheikh Gillani au restaurant, le village, rattaché au Metropole Hotel, à 4 blocs du consulat des États-Unis. Il voulait connaître ce que je savais à propos de la secte Al-Fukra et du Sheikh Gillani. J'étais confus. Je lui ai répondu qu'on ne savait absolument rien à propos d'eux. Si l'organisation était connue comme terroriste, je l'aurais eu sur ma liste. Le fait est que ce nom n'est pas apparu et l'organisation elle-même n'apparaissait nulle part dans nos fichiers. Ce qui m'a laissé penser qu'il n'était pas en train de se laisser entraîner dans un mauvais plan. Et donc, quand il m'a demandé s'il était raisonnable d'aller à cette rencontre, je lui ai répondu que ça l'était, mais qu'il fallait le faire dans un endroit public. Et cet endroit était le restaurant Le Village, un endroit tout à fait public. Puis Daniel Burl rencontre des responsables de la police de la province de Sindh qui lui expliquent que la police pakistanaise ne s'aventure que très peu dans cette zone et que le danger est omniprésent pour un étranger, surtout américain. En début de soirée, Daniel Burl se rend en taxi au lieu dit du rendez-vous que lui a fixé Bachir, l'intermédiaire. On l'aperçoit pour la dernière fois sur le parking du restaurant. Dans la soirée, Marianne tente d'appeler Daniel à plusieurs reprises. Pour des raisons de sécurité, le couple a pris l'habitude de s'appeler toutes les 90 minutes pour confirmer que tout va bien. Or voilà près de 2 heures que Daniel ne répond pas aux appels. Marianne est immédiatement persuadée que quelque chose de grave est arrivé à Danny. Elle appelle le consulat des États-Unis. C'est le début d'une longue attente. Au petit matin, Randall Bennett, le chargé de la sécurité du consulat qui avait rencontré Daniel la veille, se rend chez Marianne et commence les investigations sur l'ordinateur du journaliste. Très vite, le département d'État est alerté. Une équipe du FBI arrive à Karachi pour tenter de faire avancer l'enquête en coopération avec une équipe de policiers locaux. Car tout indique maintenant que le journaliste a été enlevé. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, en partenariat avec Libération, le meurtre de Daniel Pearl. Notre invité, c'est Jean-Pierre Perrin, journaliste à Libération. Il a connu notre confrère américain, il connaît aussi et surtout très bien le Pakistan. Après 3 jours sans nouvelles, les kidnappeurs font parvenir un mail dans lequel ils revendiquent l'enlèvement du journaliste qu'ils qualifient d'agent de la CIA. Le groupe qui se fait appeler le Mouvement pour la restauration de la souveraineté pakistanaise exige la libération de tous les prisonniers pakistanais détenus dans la prison de Guantanamo à Cuba, ainsi que le renvoi à Islamabad de l'ancien ambassadeur des talibans afghans au Pakistan. Le message est assorti d'un ultimatum de 4 jours. Une course contre la montre s'engage pour tenter de retrouver le journaliste. Le 28 janvier, le journal Los Angeles Times reçoit plusieurs photos en couleur de Daniel Pearl. Il est assis en tailleur, tête baissée, habillé d'un survêtement de couleur rouge, noir et bleu, un revolver 9 mm pointé sur la tête, ses mains sont attachées. Les terroristes joignent aux photos une lettre de revendication. En conférence de presse, le secrétaire d'État Colin Powell répond qu'il est impossible pour les États-Unis d'accepter de négocier sur de telles bases. Ensuite, dans un second mail de revendication, le groupe de kidnappeurs formule une demande étonnante. Ils demandent que les États-Unis exécutent le contrat de livraison d'avions de chasse F-16 avec le Pakistan, contrat conclu au début des années 90, ou bien qu'ils remboursent, avec les intérêts bien sûr, la commande déjà payée par leur pays. Puis c'est une rançon de 2 millions de dollars qui est demandée, et Daniel Pearl est cette fois accusé d'être un agent du Mossad, les services secrets israéliens. Pour les enquêteurs du FBI, difficile d'établir si ces revendications sont authentiques ou non, si elles proviennent du même groupe ou de groupes différents. Difficile aussi de se fier aux services secrets pakistanais qui semblent en savoir beaucoup plus qu'ils ne veulent bien le dire. De son côté, Marianne Pearl explique qu'on a enlevé son mari pour de bien mauvaises raisons. Il est utilisé comme un espèce de symbole. C'est-à-dire qu'on le déshumanise, c'est plus une personne avec une famille, avec une vie, avec un métier. Ça devient un symbole. Alors c'est pour ça qu'on entend tous ces... Bon, on peut tout imaginer, je veux dire, c'est un scénario. Alors un jour c'est CIA, le lendemain c'est Mossad, etc. Et ça devient alors, l'Amérique. Ça n'a aucun sens. Moi j'essaie de faire un dialogue avec eux pour leur expliquer que c'est tellement... une fausse piste de prendre des gens innocents pour venger d'autres gens innocents que je peux que espérer que le dialogue passe, quoi. Le 2 février, date d'expiration de l'ultimatum fixé par les kidnappeurs, le sort de Danielle Pearl demeure plus qu'incertain. Certains médias américains reçoivent un courriel dans lequel les ravisseurs affirment que le journaliste Wall Street Journal a été tué. Mais aucune preuve n'est fournie. Alors on garde espoir, mais pas longtemps. Le jeudi 21 février, au cours d'une conférence de presse, le directeur de la rédaction du Wall Street Journal, Paul Steiger, déclare « Nous croyons maintenant, d'après les rapports du département d'État et les services de police pakistanais, que Danielle Pearl a été tuée par ses ravisseurs. » Puis il ajoute « Nous avons le cœur brisé par sa mort. Danny était un collègue extraordinaire, un immense reporter et un ami cher pour beaucoup d'entre nous. Son meurtre est un acte de barbarie. » La veille, le consulat des États-Unis à Karachi avait reçu la cassette vidéo prouvant l'exécution. La bande, sommairement montée, montre le visage du journaliste. Il affirme qu'il est de confession juive et explique qu'il est opposé à l'invasion militaire américaine en Afghanistan. Puis la vidéo s'interrompt pour laisser la place à un écran noir où apparaît la liste des revendications des kidnappeurs. Et elle reprend. Là, on aperçoit la main d'un homme muni d'un grand couteau. Il égorge le journaliste des images insoutenables. En déplacement en Chine, où il termine un voyage officiel, le président américain George Bush apprend lui aussi la nouvelle et réagit au micro des CNN. Ceux qui s'en prennent aux Américains, ceux qui s'engagent dans des actes criminels et barbares, doivent savoir que ces actes affectent seulement leur cause et ne font que renforcer la détermination des États-Unis de débarrasser le monde de ces agents de la terreur. Le monde entier est traumatisé et il veut savoir qui a pu commettre un tel acte. L'étonnante intermédiaire qui a monté le rendez-vous avec Danielle Pearl et qui était un piège, on le sait maintenant, avait déjà été arrêté début février par la police pakistanaise. Cet homme qui se faisait appeler Bachir s'appelle en réalité Ahmed Omar Saad Sheikh, dit Omar Sheikh, citoyen britannique. Il reconnaît rapidement avoir été l'instigateur de l'événement. C'est un étrange individu qui entretient des liens avec les services secrets pakistanais pour lesquels il a déjà travaillé dans le passé. Les services de renseignement du président Musharraf seraient-ils impliqués dans l'enlèvement et la mort du journaliste américain? Rien ne permet de le prouver car il n'existe aucune preuve. Autre élément troublant, Omar Sheikh est aussi considéré comme le financier possible du groupe Al-Qaïda, celui qui aurait permis d'alimenter la nébuleuse terroriste en vue de la préparation des attentats du 11 septembre. Alors, Danielle Pearl aurait-il été victime d'Al-Qaïda dont il cherchait à décoder le fonctionnement? 5 mois plus tard, on retrouve enfin ce qui reste du corps du journaliste américain. Présent sur place, le correspondant du RFI, Pierre Prakash, raconte la scène. Le corps a été retrouvé ce matin. Décapité et en plusieurs morceaux, il était enterré dans une pépinière isolée située à une trentaine de kilomètres de Karachi. En état de décomposition avancée, les restes humains n'ont pas pu être formellement identifiés dans l'immédiat, mais les enquêteurs se disent quasiment certains qu'il s'agit bien du cadavre de Danielle Pearl. D'une part parce que le corps est décapité, mais aussi parce qu'ils ont découvert, dans l'enceinte même de la pépinière, un petit bâtiment d'une pièce dont l'intérieur ressemble à ce que l'on voyait en arrière-plan sur les photos montrant le journaliste en captivité. Des médecins légistes pakistanais et américains doivent maintenant effectuer des tests ADN sur les dents et les cheveux du défunt afin de déterminer avec certitude s'il s'agit, oui ou non, de Danielle Pearl. Selon la police locale, les résultats de ces analyses devraient être connus d'ici 2 jours. En février 2003, la police et les services de renseignement pakistanais, avec le soutien de la CIA, interpellent Khalid Sheikh Mohammed, dit KSM, le chef de la propagande de l'organisation Al-Qaïda. En 2007, devant une commission militaire spéciale, il reconnaît avoir été le bourreau du juif Daniel Pearl. Oui, il dit le juif Daniel Pearl. Des regroupements entre les images de la vidéo et son bras ne laissent aucun doute. Il est bien celui qui a tranché la gorge du journaliste américain. Aujourd'hui, 13 ans après les faits, les responsabilités semblent être à peu près prouvées. Omar Sheikh dit Bachir est l'organisateur du kidnapping. Khalid Sheikh Mohamed, lui, tient le rôle du bourreau qui l'a assassiné. Les deux hommes sont emprisonnés à Guantanamo, ainsi qu'une vingtaine d'autres personnes qui ont participé directement ou indirectement au kidnapping. Certains n'ont pour leur part jamais été inquiétés, ni par la justice pakistanaise, ni par la justice américaine. Mais l'interrogation demeure sur les véritables motivations et les véritables responsabilités dans cette affaire. S'agit-il d'un acte d'Al-Qaïda pour se venger de la présence américaine en Afghanistan? Ou s'agit-il d'une tentative de kidnapping pour de l'argent qui aurait mal tourné? Et qu'en est-il des services secrets pakistanais? Sont-ils intervenus d'une quelconque façon dans cette affaire? Le journaliste américain en savait-il trop? Fallait-il l'éliminer? Autant de questions aujourd'hui sans réponse. Reste le souvenir d'un drame qui nous a tant choqués, mais qui a rappelé aussi au monde entier ce qu'est le métier de reporter. Le risque encouru par ces femmes et ces hommes fidèles, malgré le danger, au commandement de notre maître à tous, Albert Londres, allait porter la plume dans la plaie, allait éclairer les ondes d'ombre. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'assassinat du journaliste Daniel Pearl en 2002. Nous allons en parler avec notre invité Jean-Pierre Perrin du journal Libération. Bonjour. Bonjour. Vous êtes reporter, grand reporter. Vous avez connu Daniel Pearl et vous connaissez bien le Pakistan, dont les auditeurs auront compris qu'il est vraiment la toile de fond hein, de cette histoire. Elle s'est passée au Pakistan, ça n'est pas un hasard, et on va essayer d'en savoir plus. Un mot déjà sur Daniel Pearl, vous l'avez connu, je ne sais pas quel, niveau. Je l'ai rencontré, nous avons une fois déjeuné ensemble dans un petit restaurant à Paris. Nous avons parlé du Moyen-Orient, ce qui n'est pas pour vous surprendre. C'était un homme extrêmement généreux, sensible, attachant. Je l'ai ensuite emmené au journal pour lui présenter quelques personnes de la rédaction en chef. Et puis, on a promis de se revoir. Et puis, ça ne s'est pas fait. Et puis, il est parti. Et puis, simplement, je voulais juste souligner un point. Le Wall Street Journal est plutôt un journal conservateur, on va dire. Hein. Mmh. Lui est plutôt libéral, au sens américain du terme. Donc, on dirait un petit peu de gauche, gauche. En France, voilà. On dirait de gauche. Et ouais. Donc, vous voyez déjà un type qui travaille, un type libéral qui travaille pour un journal plutôt à droite. Et ça ne le posait pas de problème parce que simplement, lui n'était pas du tout idéologique et s'intéressait uniquement à la véracité de ses histoires. Il se posait la question, pourquoi tant de haine Oui. Il se la posait cette question. Quand on disait que, effectivement, il y a certains journalistes, on n'est pas là pour porter un jugement sur le travail de nos confrères, mais il y a certains journalistes embarqués, voilà, puis ils suivent la guerre. Il y a d'autres qui veulent comprendre, qui veulent essayer de comprendre. Il avait cette volonté-là, notamment ce pourquoi tant de haine, pourquoi il nous déteste autant, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors je ne sais pas s'il a trouvé la juste réponse. En tout cas, il a posé la juste question. Absolument. En tout cas, il y a certainement plusieurs réponses à sa question. Voilà. Le fait déjà qu'il était juif a joué évidemment un rôle dans son exécution. Alors, à partir du moment où le gouvernement américain, par la voix de Colin Powell, refuse de négocier sur le sort de son ressortissant, est-ce que ça l'a condamné, sachant qu'effectivement, les États, quelque part, ont raison de ne pas négocier face à des terroristes, hein, c'est un principe, et on comprend. En même temps, c'est un principe qui peut entraîner la mort des otages. Difficile question, quand même. Oui et non. Enfin, oui, ça peut entraîner la mort, mais en fait, le gouvernement américain ne négocie pas avec les preneurs d'otages depuis des décennies. Ça n'a pas empêché la mort récente de plusieurs journalistes américains en Syrie notamment. On pense évidemment à Jim Foley, au prétexte qu'il ne faut surtout pas payer de rançon, qu'il ne faut pas négocier. Mais si on regarde actuellement le nombre d'otages, enfin du moins ces derniers mois, le nombre d'otages emprisonnés, exécutés, eh bien la majorité était néanmoins des journalistes américains, ce qui prouve que la théorie des États-Unis ne marche pas. Quand vous avez appris la nouvelle, j'imagine comme nous tous, vous avez été horrifié. On s'est dit, mais comment ont-ils pu faire ça? Enfin, un journaliste, donc un innocent. Pas parce qu'il est journaliste, mais journaliste égale innocent. Oui, simplement, juste un point. Il est le premier qu'on a exécuté de cette façon. Bien sûr. Je pense aussi qu'il est le premier à être tombé dans cette sorte de piège. Vous savez, il y a toujours un avant et un après. Des procédures qui fonctionnent, qui marchent, par exemple, pour les prises d'otages qu'il y a eu récemment de journalistes français en Syrie, tout le monde prenait la même route. Et puis un jour, ça marche plus. Un jour, il y a des preneurs d'otages sur la route qui n'existaient pas auparavant. Et là, on a le début de quelque chose. Pour Daniel Pearl, c'était probablement la même chose. On pouvait encore espérer qu'à ce moment-là, on pouvoir discuter avec les islamistes les plus radicaux. Enfin, moi-même, par exemple, j'ai souvent rencontré à une époque les talibans, hein, les dirigeants talibans. Mm-hmm. Maintenant, ça serait plus possible aujourd'hui. Soit je serais kidnappé, égorgé ou que sais-je. Donc, mais à une époque, ça a été possible. C'était possible d'avoir de vraies conversations avec eux, y compris politique, y compris théologique. Donc vous accusez les autorités américaines de ne pas avoir tout fait pour sauver leurs ressortissants? Non, je les accuse pas. Non, mais simplement, je tente d'expliquer pourquoi Daniel Pearl est tombé dans un piège qui aujourd'hui nous apparaît assez grossier, assez flagrant, et pourquoi il n'a pas suspecté la machination qu'il pouvait y avoir derrière. C'est qu'à l'époque, justement, il n'y avait pas eu de précédent. Et je crois qu'à partir du moment où lui-même a créé le précédent par son assassinat, eh bien, tous les autres journalistes qui enquêteront au Pakistan seront beaucoup plus prudents. Alors il y a bien sûr l'autre dimension, c'est la dimension de l'image qu'on montre. C'était nouveau, c'est une arme de guerre psychologique, hein, ça, c'est tout à fait terrible. Tout à fait. C'est tout à fait réfléchi. Je pense que dans les actes d'Al-Qaïda, comme aujourd'hui dans les actes de l'État islamique, qu'on appelle aussi Daesh, tout est réfléchi. Il y a des idéologues. D'ailleurs, vous avez cité Khaled Sheikh Mohammed, qui s'est autoproclamé d'ailleurs le cerveau des attentats du 11 septembre. Je ne sais pas si c'est vrai. En fait, le personnage a une propension à la mégalomanie extraordinaire, mais peut-être, pourquoi pas. Mais donc, Khaled Sheikh Mohammed est un cerveau, c'est pas simplement un simple exécutant, un simple mégalomane de surcroît. Je crois qu'il faut surtout pas sous-estimer intellectuellement le groupe d'Al-Qaïda, comme aujourd'hui le groupe de l'État islamique. Il y a des idéologues derrière, il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent. D'ailleurs, c'est les politiques. Oui, s'ils ont monté une opération aussi complexe que le 11 septembre, c'est bien qu'il y a pas mal de choses dans leur tête quand même. Hélas, au service de la mauvaise cause. Dernière question avant d'écouter une chanson étonnante. Vous verrez, que fallait-il faire de ces images? Parce que, évidemment, vous dites que malheureusement, ce sont des gens intelligents, ceux qui font ça. Et ils ont bien compris que la toile commençait, Internet commençait vraiment à prendre beaucoup de pouvoir dans l'espace public. Et que les images comme ça, si on les montre par la télé, on va les voir sur Internet. Une autre arme de guerre, ça? Ah bah bien sûr, c'est le djihad global est absolument ça se passe en même temps. Le djihad global et la propagande et même l'action sur Internet. Donc c'est totalement ce sont les deux branches d'un même tronc, si vous voulez, issues d'un même tronc. L'un était totalement dépendant de l'autre. On le voit encore toujours aujourd'hui. D'ailleurs, bon, c'est vrai, une opération n'est réussie que si elle est montrée. Dans sa globalité, dans ses détails, avec le message. Il y a plus que le message maintenant. Il y a la souffrance du personnage. Ils utilisent les recettes de la publicité finalement. Et puis avec aussi cette idée que tout ce qui peut nous choquer, nous occidentaux, par exemple le massacre de chrétiens ou de juifs ou de minorités ou les destructions de musées par exemple, ce qu'on fait d'ailleurs pas seulement en Irak ou en Syrie mais les talibans déjà avec les bouches d'Afghanistan. En Afghanistan, c'est pour tout ce qui nous choque est bon à prendre. Et ça fait partie aussi de leur idéologie. Qu'est-ce qui peut choquer les occidentaux? Ça, alors ça, on le fait. Donc une vraie arme. On va écouter, je vous dis, une chanson étonnante. Il se trouve qu'en 2003, Charles Aznavour a écrit une chanson en hommage à Daniel Pearl. Elle s'appelle « Un mort vivant, délit d'opinion ». Prison en prison, de cellule en cellule, pour avoir informé preuve à l'appui. Pourtant, je ne suis plus un nom, pas même un matricule, abandonné de tous. Je suis un mort vivant. On m'a pissé dessus, craché à la figure, sur mes parties intimes, on a mis le courant. Avec l'ira crevée, je dors dans la raclure, malade et déchaîné. Je suis un mort vivant. Parce que j'accusais et qu'au sang de ma plume la liberté coulait, défendait des droits. Pour m'empêcher d'écrire, on a dû sur l'enclume et me briser le corps et me broyer les doigts. Dès lors que vérité n'avait pas bonne face, dès lors que mes refus à rentrer dans le rang n'était pas dans le goût de ces messieurs en place, au fond de ce tombeau, je suis un mort vivant. Parce que je touchais le poing où le bas blesse, que de langue et de plume j'étais virulent, des hommes de pouvoir et de fausses promesses m'ont jeté dans l'oubli, je suis un mort vivant. Parce que mon esprit n'a jamais su se mettre au rang des compromis lèche-cul militants. On m'a mis dans ce trou afin de me soumettre par la soif et la faim. Je suis un mort vivant. Mon Dieu, si tu existes, écoute ma prière. Donne-moi le courage, la force et la foi de ne jamais faiblir face à mes tortionnaires. Je t'en prie au moins toi. Ne m'abandonne pas. Moi, le estropie ce papier à longueur de colonne que l'on veut museler en lui rognant les dents. Humble, je viens à toi, moi qui ne suis personne. J'ai ta regard sur moi, je suis un mort vivant. De prison en prison, de cellule en cellule, pour avoir informé preuve à l'appui pourtant, je ne suis plus un nom, pas même un matricule, pour délit d'opinion, pour délit d'opinion, pour délit d'opinion, je suis un. Charles Aznavour, un mort vivant, délit d'opinion. C'est étonnant hein, qu'un chanteur fasse une chanson rendant hommage au courage et de Daniel Pearl et d'autres journalistes qui peuvent se retrouver dans cette situation, cette image du journaliste égorgé, ce couteau. Est-ce qu'il y a une dimension sacrificielle là-dedans ? Oui, totalement. C'est totalement. D'ailleurs, on ne décapite pas le journaliste, on l'égorge, ce qui n'est pas du tout la même chose, c'est pas la guillotine. Hein. En égorgeant le prisonnier, en égorgeant le captif, eh bien simplement on renvoie à l'animalité. C'est un animal que l'on égorge, c'est-à-dire on lui retire sa condition d'humain pour la remplacer par celle d'animal. Et on l'égorge comme un animal, exactement de la même façon qu'on le ferait avec un mouton. C'est l'offrande. Donc, oui, comme une offrande. Oui, et puis en même temps, on lui retire sa qualité humaine. Mmh. Ce n'est plus un homme qu'on égorge, c'est un animal. Bon, il n'est pas musulman, il est un autre, donc on l'égorge, on a une sorte de légitimité. Et lorsqu'on le fait, par exemple, avec un musulman, ce qui peut arriver aussi aujourd'hui en Syrie et en Irak, on lui retire avant sa qualité de musulman. C'est ce qu'on appelle le takfir, qu'on traduit improprement par excommunication, parce que c'est beaucoup plus grave. On lui retire sa qualité de musulman pour pouvoir l'égorger. Alors maintenant, la question qui est générée par ces autres questions et par le récit, c'est pourquoi a-t-on tué ce journaliste ? Qui ? Alors il y a eu plusieurs hypothèses qu'on a abordées dans le récit. Il y a celle de Bernard Henry, notamment, qui disait que Daniel Pearl avait été tué car il était au courant de secrets d'État sur la bombe atomique islamiste. Je sais pas, ça paraît pas forcément très solide comme hypothèse. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un roman-quête. Donc, il y a le mot roman, il y a le mot enquête. Je crois que dans l'occurrence, d'accord, dans l'ouvrage, ouais, le roman a largement dominé l'enquête. Alors, moi, ce qui m'interpelle, par exemple, au fil de ce récit, c'est la revendication. Alors là, c'est pas une vue d'esprit, hein, c'est la réalité. La revendication commerciale sur un contrat d'armes. Et on se dit, mais là, ce sont pas des islamistes liés à Al-Qaïda ou à l'Afghanistan. C'est le Pakistan qui parle. Oui, alors c'est le Pakistan. Là, il y a un côté Pakistan officiel. Il y a un côté mystérieux. Effectivement, moi, je ne pourrais pas m'avancer sur un terrain aussi compliqué que celui-ci. Simplement, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire, en raisonnant à froid comme ça, que l'armée pakistanaise, parce que les services secrets pakistanais, c'est l'armée pakistanaise, à preuve que tous les chefs d'état-major de l'armée pakistanaise ont un jour dirigé les services de renseignement de l'armée. Donc, vous voyez, on peut pas faire de différence, il n'y a pas d'un côté l'ISI, l'Inter-Intelligence Service, et l'armée. C'est le même ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que cette armée pakistanaise a toujours eu besoin de groupes radicaux, de groupes extrémistes. Dès la naissance du Pakistan, pourquoi ? Je vais donner un exemple historique, par exemple. Il y a la partition 47, et hop, l'Inde d'un côté, le Pakistan, sauf que l'essentiel de l'armée est du côté indien. Alors que le Pakistan se retrouve avec 200 000 hommes, ce qui est notoirement insuffisant pour un si grand pays. Et il y a la question du Cachemire. À ce moment, l'armée fait venir des groupes des zones tribales pakistanaises, des zones tribales pachtounes déjà, vous voyez, on en parlait déjà à l'époque, pour intervenir au Cachemire, où ils sont extrêmement bons combattants déjà, simplement ils pillent, ils violent les femmes hindoues, ils pillent les hindous, ils tuent les hindous, et donc ça ralentit beaucoup leur progression, ils ne prendront pas la ville de Srinagar, et d'où l'actuelle partition. Mais on voit toujours que l'armée pakistanaise a besoin de supplétifs, de groupes radicaux qu'elle va utiliser essentiellement au Cachemire contre les Indiens, ou dans d'autres, voire en Afghanistan. Donc, quand elle n'agit pas elle-même, eh bien, elle, Elle recrute des groupes, elle les forme, et puis elle les utilise en général sur des théâtres extérieurs. Mais ensuite, il y a toujours, évidemment, le problème, c'est qu'il peut y avoir un retour de flamme. C'est-à-dire que ceux qu'elle a formés, les groupes qu'elle a formés, eh bien, peuvent à leur tour agir à l'intérieur du Pakistan. Et devenir un État dans l'État. Et voilà, et c'est ce qui se passe actuellement. Parce que la position géopolitique du Pakistan est compliquée. Donc officiellement dans le camp occidental, relié aux États-Unis. Hein. Nous, on sait que c'est la base arrière d'Al-Qaïda, c'était la base arrière des Moudjahidines contre les Soviétiques lors de l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques. Comment se positionner, vous avez une élite qui est très pro-occidentale, toute la famille Buteau, Benazir Buteau, par exemple, oui. Et puis même le général Musharraf, dont vous avez parlé, qui était vraiment un général extrêmement pro-occidental, mais il y a eu aussi des périodes où l'armée était dirigée par des islamistes purs et durs, comme le général Ziaoulak, qui a islamisé en profondeur, a commencé à islamiser en profondeur la société pakistanaise, et qui aussi a essayé d'islamiser l'armée. Donc vous avez dans cette armée, je crois, une double allégeance. Une allégeance à l'État pakistanais, une allégeance à la religion. Quand l'État et la religion vont ensemble, tout marche bien. Lorsque l'État et la religion commencent à tirer à hue et à dire, l'un à droite, l'un à gauche, à ce moment-là, il y a des fractures, à ce moment-là, il y a des officiers qui sont plus proches des religieux et d'autres plus proches de l'État. Vous voyez, c'est un côté schizophrène. C'est absolument... Le pays a un côté schizophrène avec une élite remarquable. Moi, les romanciers, il faut lire les romanciers pakistanais. Certaines sont traduites en français. Elles sont remarquables. C'est remarquable d'intelligence. C'est pas du tout dans le plaintif comme on peut lire dans une sous-littérature du tiers-monde. Là, on a des vrais auteurs qui incarnent la modernité. Tout ça cohabite. La presse pakistanaise est formidable, par exemple. C'est une presse extrêmement libre, ce qu'on ne pourrait pas soupçonner a priori. C'est clair, c'est une information. Vous en revenez du Pakistan, là, vous êtes allé oui. Quand il y a un peu de temps un mois, à peu près. Et quelle est l'atmosphère en ce moment? En ville, hein. Alors, l'atmosphère en ville, bon, alors en ce moment, c'est... Dans les grandes villes, Karachi, ouais. Tiens, parlons de Karachi, allez-y. Oui, Karachi, 21 millions d'habitants. Ah, c'est 21 maintenant. 21 millions, oui, ça va très très vite. Vous avez des quartiers. Moi, j'ai enquêté dans un quartier Balouche, qui est 1 600 000 habitants. Alors là, on change de monde parce que on est habitué à un Pakistan très islamisé, très islamiste, et les Balouches ne le sont pas du tout. Et en plus, bon, ils en prennent plein la figure en ce moment parce qu'ils ont des revendications autonomistes, voire indépendantistes. Donc, ils sont vraiment dans un état de, alors, ce sont les plus pauvres, mais en même temps, ce sont les plus laïcs. Tu vois, il y a plein de paradoxes, vous savez, au Pakistan. Chaque quartier, on croit que c'est le chaos, mais c'est un chaos toujours très, très bien organisé. Ça veut dire, voilà. C'est un bel oxymore, un chaos organisé. Absolument, c'est un chaos. C'est-à-dire, ça dégage une impression chaotique en disant, mais comment ça marche? Où est-ce que les gens trouvent de l'eau? Dans ce quartier, par exemple, je découvre qu'on l'appelle le petit Brésil parce qu'il fournit au Pakistan ses meilleurs footballeurs. Or, il n'y a pas de terrain de foot. Les gens jouent dans la rue, les gens jouent sous les toits. Il y a même une équipe de football féminine. Donc, vous voyez, a priori, on dit, mais non, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Et pourtant, ça marche. Il y a quand même des gens qui sont élus, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens, voilà. Et pourtant, dans ce quartier, on m'a dit qu'il y avait 95-98% de chômeurs. On va revenir à Daniel Pearl. Il y a toujours un débat. Je pense que le débat n'existe pas beaucoup au sein de la profession, hein, au sein de la presse. Je crois que nous sommes tous persuadés qu'il faut continuer à aller éclairer les zones d'ombre, hein, comme disait notre maître à tous, porter la plume dans la plaie, parce que c'est une façon aussi d'aider les populations. On fait moins de meurtres de masse quand des journalistes sont là, quand ils sont témoins. Et puis il y a aussi des risques qui mettent les États dans des positions compliquées. Je vous pose la question simplement, il nous reste 30 secondes. Vous êtes journaliste, vous êtes grand reporter, votre position, il faut continuer à aller éclairer les zones d'ombre, malgré le danger, il faut y aller, c'est notre mission sacrée. Oui, bien sûr, simplement il faut faire de plus en plus attention. Et là, vous allez repartir au Pakistan? J'y vais assez peu maintenant au Pakistan. On a une bonne correspondante, donc autant la faire travailler. Non, juste un dernier point peut-être. Allez-y. On a encore 30 secondes. Sur l'implication des services secrets pakistanais. C'est le cas Ben Laden. Le cas Ben Laden, moi, il m'interpelle beaucoup. Il était découvert dans la petite ville, dans la ville d'Abbottabad. Abbottabad, alors ça porte le nom justement d'un général britannique du temps de la colonisation. C'est curieux. Mais là, toute personne qui s'est jamais rendue à Abbottabad sait que les services pakistanais, l'armée pakistanaise ne pouvait pas ignorer la présence de Ben Laden. Pourquoi? Parce que les militaires sont partout. Si vous prenez un café, immédiatement, le bistrotier va appeler l'armée en disant, il y a un inconnu qui vient ici. Donc, une maison avec des murs de 6 mètres de haut, plus des caméras, c'est pas possible que l'état-major pakistanais n'ait pas été au courant de la présence de leur illustre hôte. Merci Jean-Pierre Perrin, cette question fera le mot de la fin. Merci, au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'assassinat de Daniel Pearl, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Jérémy Kaufmann.